Ouais, ok, merci. Alors, c'est pas exactement sur le conspirationnisme, c'est sur le traitement médiatique et politique des théories du complot après les attentats de janvier dernier. Donc, on va parler un peu de conspirationnisme, mais surtout de la perception médiatique et politique de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas et comment le terme théorie du complot arrive dans le débat public. Alors, l'attaque contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et la prise d'otage dans le supermarché Cacher les 7 et 9 janvier 2015 ont profondément choqué l'opinion publique française. Des réactions spontanées de masse, rapidement encadrées politiquement, en sont le témoignage. Plusieurs journalistes et experts divers n'hésitent pas à parler d'un 11 septembre français, parallèle sans nul doute excessif et peu fondé, même si ce 11 septembre français aurait, à l'instar de son aïeul outre-Atlantique, excité l'imagination et suscité une inquiétante vague de théories du complot. Alors, l'expression théorie du complot fait très rapidement son apparition dans l'espace médiatique pour rendre compte de divers positionnements par rapport à ces attentats, notamment les personnes revendiquant que ces attentats sont le fruit d'opérations sous faux drapeau. On reviendra dans les questions, si vous voulez, plus tardivement sur ce que c'est, hein, ou sur finalement des questionnements autour de certains éléments par rapport à ces événements, comme une carte d'identité oubliée à l'arrière de la voiture, des rétroviseurs de voiture qui changent de couleur, etc., etc. Il y en a un certain nombre assez conséquent qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Alors, en réalité, ce qu'on note, c'est que très rapidement, le terme théorie du complot est utilisé dans une acception extrêmement large de la terminologie qui n'est pas exempte de présupposés idéologiques. Alors, en réalité, jusqu'aux années 1990, la majorité des scientifiques s'accordent pour voir dans les théories du complot ou conspirationnisme des constructions historiques alternatives qui interprètent des pans entiers de la société, voire sa totalité, comme de son fonctionnement, comme résultant de la réalisation d'un projet concerté secrètement par un petit groupe d'hommes puissants et sans scrupules. Alors, on s'éloigne beaucoup de cette définition et la présente communication va viser à rendre compte, comme je vous l'ai dit au début, les usages médiatiques et institutionnels de cette terminologie pendant une vague qu'on pourrait appeler de panique anti-théorique du complot qui suivent les attentats. Alors, les réactions sont très rapides puisque dès le 7 janvier apparaissent les premières, donc le jour même, hein, le soir même, apparaissent les premiers articles incriminant les théories du complot autour de ces événements. Alors, le premier que j'ai pu relever, hein, qui apparaît le 7 janvier, c'est un site spécialisé dans la dénonciation des théories du complot qui s'appelle Conspiracy Watch et qui présente notamment un article qui est publié sur le boulevard Voltaire. Donc les théories de Thierry Messiaen sur le fait que ce soit une attaque sous faux drapeau, peut-être des États-Unis ou du Mossad, selon lui. Alors, dès le lendemain, la grande presse s'y met, puisque l'Express publie le 8 janvier un article qui sera ensuite complété. L'article est en ligne et complété jusqu'au 15 janvier sur les mauvaises théories du complot, où il passe en revue les différents questionnements, carte d'identité oubliée, rétroviseur qui change de couleur, etc., etc. Le lendemain, il y a Rue 89 qui publie un éditorial où il fustige les commentaires sur Internet qui mettent en doute la version officielle, entre guillemets, et publie un autre article qui est le témoignage d'un jeune banlieusard et musulman pratiquant dont le frère aurait lu tous les articles relevant des théories du complot qui circulent sur la toile. Le même jour, le Parisien, donc on est le 9 janvier, lui s'intéresse aux théories du complot dans le cadre des troubles qui ont lieu pendant la minute de silence le 8 janvier dans les groupes scolaires de banlieue, et notamment dans le cas présent à Aulnay-sous-Bois. Le jour même, enfin, Libération, pour sa part, évoque Charlie Hebdo, l'affaire qui agite les complotistes. Alors, l'article traite brièvement d'allégations d'opérations sous faux drapeau de certaines figures médiatiques comme Soral, Dieudonné, etc., etc. Et se conclut par une interview du politologue Jean-Yves Camus qui rappelle de façon menaçante que énoncer de fausses informations est passible d'une amende de 45 000 euros. Alors, le week-end, les articles de presse, du fait de la non-sortie de la presse et des grandes manifestations, sont beaucoup plus calmes. Et il faut attendre finalement le 12 janvier, donc après la grande manifestation du dimanche, place de la République, pour que le terme refasse son apparition dans les médias. Alors d'une façon générale, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'est une théorie du complot quand on lit les journaux. J'ai relevé en tout, entre le 7 janvier et le début du mois de février, plus d'une centaine d'articles évoquant ces théories du complot. Alors aucun, la grande majorité d'eux ne disent absolument pas ce que sont des théories du complot, hormis visiblement que c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Alors certains journalistes vont un peu plus loin pour expliquer ce que c'est. Ils renvoient directement à l'article de l'Express du 8 janvier, hein, ce qui est tout aussi simple. Mais certains décident d'essayer d'enquêter un petit peu. Alors il y a trois types finalement de choses convoquées dans ces enquêtes. Soit des acteurs de la société civile, soit finalement une recension, une revue de presse des sites conspirationnistes, ou des enquêtes où les journalistes vont à la rencontre d'adeptes des théories du complot. Alors je vous donne un exemple d'un article par exemple qui est publié par Le Parisien le 17 janvier. Alors l'article commence sur les histoires de rétroviseurs, de cartes d'identité, pour ensuite passer à un entretien assez rapide avec un professeur de Sciences Po Lyon qui parle du mythe des Illuminati et de la judéo-maçonnerie, pour ensuite poursuivre par des considérations assez anxieuses au sujet des réseaux sociaux, qui sont initiées par le témoignage du président du football club de la Duchère, qui est donc un quartier difficile du 9e arrondissement de Lyon. Ensuite, cet article se termine sur le cas de fonctionnaires sanctionnés car ils voyaient des théories du complot derrière Charlie Hebdo et les déclarations de Jean-Marie Le Pen qui a déclaré dans un journal russe qu'il s'agissait d'opérations sous faux drapeau. Alors, parmi les personnes de la société civile, il y a beaucoup d'experts divers qui sont sollicités, ainsi que quelques scientifiques, beaucoup moins importants que le nombre d'experts. Alors, pour ma part, moi, je suis interrogé dès le 12 janvier. Donc, je donne une interview à Politis, une à Mediapart, une autre à La Croix. Voilà, j'ai pas mal de journalistes qui m'appellent et qui ne donneront non plus pas suite à leur interview, puisque je leur explique que pour moi, ces histoires de cartes d'identité rétroviseur ne rentrent pas dans mes principes définitionnels de théorie du complot. Et certains journalistes, face à mon incompétence avérée en matière de rétroviseur, d'oubli de cartes d'identité et autres, ne donnèrent pas suite à notre entretien, voire certains me raccrochèrent carrément au nez directement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théorie du complot. Hein. Pour ma part, alors je ne les cherchais pas particulièrement, hein, c'est un collègue sociologue spécialiste de l'islamophobie qui m'a alerté le 12 janvier d'une vidéo qui circulait sur YouTube depuis le 13 janvier, donc une réaction assez rapide par rapport aux événements. Hein. Alors le 18 janvier, elle était à peu près à 250 000 vues. En novembre dernier, on en était à 1 962 090 visionnages, ce qui est quand même considérable, sans doute l'une des choses qui a le plus tourné. Alors aucun journaux, à part, je crois, je ne sais plus lequel, à qui j'ai donné interview en novembre dernier, la mentionne. Donc cette vidéo est publiée par un certain YouTuber qui s'appelle Chemical Spray, et elle s'intitule « La Troisième Guerre mondiale, le commencement, épisode 1 ». Alors elle s'ouvre sur la présentation d'une lettre, d'une soi-disante lettre d'Albert Pike, qui est un dignitaire maçonnique du 19e siècle, qui aurait prédit à travers sa lettre finalement trois guerres mondiales, la première, la seconde guerre mondiale et enfin une dernière guerre mondiale qui serait un combat entre le sionisme et l'islam. Pour asseoir cette vidéo, le YouTuber rajoute après la présentation de cette lettre, sur laquelle on va revenir très rapidement, une petite vidéo du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui, je crois que c'était le 9 janvier, avait donné une conférence de presse où il avait appelé à un vaste assaut partout dans le monde contre l'islam. Alors la vidéo avait fait beaucoup de bruit, hein, puisqu'il y a eu le dérapage entre islam et islamisme. Et elle a été reprise. Alors en l'occurrence, le YouTuber reprend un petit montage vidéo qui avait été fait par Yahya Gwazmi, président du centre Zara et antisémite notoire. Alors cette lettre elle est très connue par toutes les personnes s'intéressant à ses productions. Alors elle n'est pas du tout récente, hein. On en trouve des traces chez des conspirationnistes américains connus dans les années 70-80, par exemple comme des Griffins ou autres. Alors elle a eu une nouvelle popularité après le 11 septembre. Alors, la source de cette lettre est en réalité un auteur canadien, William Guy Kerr, qui est une source importante des complotistes et qui la mentionne dans un ouvrage Spawns in the Game. Alors, j'ai pas fait vous faire toute l'histoire de la lettre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si vous voulez en savoir plus, on pourra y revenir dans les questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette lettre, en réalité, date des années 1890, n'a probablement jamais été écrite par Abel Pike, et elle apparaît pour la première fois dans une série de publications qui s'appelle Le Diable au XIXe siècle, dont l'auteur est un libre penseur français qui se convertit brutalement au catholicisme intransigeant en 1885, qui s'appelle Léo Taxil, et qui, pendant 12 ans, va raconter tout et n'importe quoi sur la franc-maçonnerie, qu'elle est composée d'arrière-loges lucifériennes, qu'on y fait les sacrifices les plus abominables, pour, en 1897, avouer finalement qu'il a raconté n'importe quoi pendant 12 ans, et que les bons catholiques français l'ont suivi, et qu'il s'est bien moqué d'eux. Donc cette lettre apparaît la première fois, donc dans Le Diable au XIXe siècle, publié par le docteur Bataille, qui est en partie un pseudonyme de Léo Taxil, elle prédit absolument pas des guerres mondiales à l'époque et pour cause, certaines références qu'on peut y voir, notamment des références à la Russie qui sont présentes et qui sont interprétées comme étant des signes contemporains, sont plutôt liées à des événements de l'époque et notamment aux attentats nihilistes qui sévissaient en Russie à cette époque-là ou un petit peu avant, et le grand succès de l'alliance franco-russe, donc des rapports d'amitié franco-russe. Alors cette vidéo n'a pas eu de traitement médiatique, hein, pourtant 250 000 vues en 5 jours, c'est pas mal. En réalité, les thématiques ne rentrent absolument pas dans ce qui est présenté vraiment dans cette vidéo. Les médias associent généralement un certain nombre de thématiques qu'on va passer rapidement. Alors certaines, on va les exclure parce que ce serait trop compliqué, ça prendrait beaucoup trop de temps de les exposer ici. Alors, les différentes thématiques connexes aux théories du complot. Si vous entendez théorie du complot dans les médias en janvier, début février, vous aurez les mots jeunes, quartier populaire, islam, problème d'éducation, internet et réseaux sociaux, extrémisme politique et antisémitisme. Alors, je vous dis tout de suite, je n'aborderai pas la question islam et antisémitisme qui demanderait des traitements particuliers en eux-mêmes tellement c'est important et il y aurait des choses à dire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai donné un article à Mediapart en janvier dernier qui peut se retrouver sur Internet libre d'accès sur la question de l'antisémitisme. Alors le premier thème qui apparaît chronologiquement, c'est Internet et les réseaux sociaux. L'article de l'Express dont j'ai parlé le 8 janvier, les différents articles de rue 89 que j'ai mentionnés du lendemain présentent en effet cette question. Alors cette question est extrêmement importante. Si on prend par exemple le numéro spécial de Libération du 21 janvier consacré aux théories du complot, à part le véhément éditorial de Geoffrin, tous les articles abordent la question de l'information sur Internet. Alors il en ressort globalement que les principaux centres de production de ces théories se trouvent bien en ligne, je cite, mais qu'il est plus rare qu'elles soient relayées dans les médias traditionnels, entre guillemets. Alors elle pourrait s'exprimer selon Libération dans des émissions de télévision grand public, référence notamment à Marion Cotillard ou Jean-Marie Bigard dans des émissions qui avaient exprimé leurs doutes sur le 11 septembre, et également selon Libération dans les médias étrangers qui ne feraient pas preuve de la même prudence que les médias français. Exemple, le tabloïd russe dans lequel Jean-Marie Le Pen a déclaré que les théories du complot, enfin qu'il voyait un attentat sous faux drapeau derrière ces événements. Alors, l'émergence extrêmement rapide de la thématique semble davantage motivée finalement par l'inquiétude des médias traditionnels face à la. Alors, ça remarche, ok. Donc, les lycéens, ces lycéens qui auraient été théoriquement concernés par ces théories du complot. Auraient décidé de mettre en place un site internet de prévention. Alors l'idée est rapidement abandonnée et les lycéens que j'ai pu interviewer m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu cette idée-là, qu'elle leur a été imposée par la ministre et qu'après avoir discuté avec d'autres lycéens qui avaient trouvé que c'était assez débile que le gouvernement fasse un site de prévention des théories du complot puisqu'il est lui-même accusé d'être pourvoyeur de complot, que c'était pas très opportun, les lycéens ont abandonné la chose et la chose a été concrétisée d'ailleurs il y a peu puisque en novembre dernier est sorti un site par le gouvernement pour prévenir des théories du complot. Donc ça c'est le 12 janvier, 3 jours plus tard on retrouve Madame Belkacem qui revient sur les théories du complot qui sont en train de miner notre jeunesse sur RTL. Alors elles minent la jeunesse, c'est-à-dire qu'elles remettent en cause les institutions de la République, la crédibilité et à la fois des hommes politiques mais aussi des médias. Selon elle, le phénomène est d'autant plus inquiétant qu'un jeune sur cinq adhérerait aux théories du complot. Alors la source du sondage n'est pas donnée, on ne sait pas très bien de quoi elle parle, il y a plusieurs hypothèses, on pourra y revenir. Mais en tout cas, un jeune sur cinq croyant aux théories du complot dans la bouche de la ministre fait que la chose s'emballe médiatiquement et qu'on retrouve les déclarations sur l'ensemble des médias. Le 18 janvier, c'est la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin, qui appelle à effectuer une démarche pédagogique auprès des jeunes face aux théories du conspirationnisme, qui sont le ferment de la haine et de la désintégration sociale. Le sujet est ensuite abordé lors d'une conférence de presse par la ministre de l'Éducation le 22 janvier, puis le lendemain lors d'une visite en compagnie du Premier ministre dans un lycée agricole. Et enfin, cette séquence se clôt le 27 janvier avec le président de la République lui-même qui, à l'occasion du discours sur les 70 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau, mentionne à son tour les théories du complot qui, entretenues par l'antisémitisme, se diffusent sans limite sur Internet et les réseaux sociaux. L'intervention présidentielle coïncide avec un début de désintérêt des médias pour les sujets. Alors, ça chute à partir de début janvier, on commence à en avoir en février, puis ça tombe, et deuxième moitié février, début mars.